fâché, mais nous pas arrivé comme minigué. Yeah. Pour vous, pour moi c'est travail. Moi vine pour moi faire vendre nos bouquets fleurs. Chantez là pour moi tellement belle. Yes. Mais on y fait où goûter. Chantez là pour moi tellement belle. Mais on vit faire où goûter. Hey. Wow. On coutière, bah moi. Moi peux pas parler, et puis vous, l'esprit moins dérangé. On coutier, on va moins. On coutier, fais-moi mal, ya ya. Mal. On coutier, on va moins. On coutier, fais-moi mal, ya ya. Mal. Et puis, et ta dame, moi, peux pas parler, non.